Jesse Peniston avec son titre Finally sur RGM, presque 8h37. On parle maintenant anniversaire. Ils sont nés un 6 septembre. On va rester en musique puisqu'en 1943, c'était la naissance de Roger Waters, chanteur britannique, membre du groupe Pink Floyd, dont on écoute tout de suite un extrait du titre Another Brick in the Wall. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Voilà pour l'extrait des Pink Floyd. 1958, naissance de Michael Winslow, acteur humoriste américain, connu pour son rôle de Larvell Jones dans les différents films Police Academy. 1961, naissance de Pál Wachtar Savoy, musicien norvégien, membre du groupe Ha-Ha, dont on écoute tout de suite un extrait de leur tube, Take On Me. Voilà pour l'extrait du titre Take On Me du groupe Ha-Ha. On continue les anniversaires. 1969, naissance de Sissy Peniston, chanteuse américaine. 1970, naissance de Stéphane Guivarch, ancien footballeur français, ayant fait carrière de 1989 à 2002 en jouant à Brest, Guingamp, Auxerre, au Stade Rennais, Newcastle, au Glasgow Rangers, à Auxerre. Et il a terminé en jouant de nouveau pour l'équipe de Guingamp. Et à noter qu'il est champion du monde 1998 tout de même. 1974, naissance de Justin Wallin, acteur américain, connu pour son rôle d'Andy Barclay dans le film Chucky 3 et son rôle de Jimmy Olsen dans la série télé Lois et Clark. 1975, naissance de Gala, chanteuse italienne. 1976, naissance de Naomi Harris, actrice britannique, connue pour son rôle de Tia Dalma, alias Calypso, la déesse de la mer dans Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit et Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde. Vue également dans Miami Vice, deux flics à Miami, le film, dans le rôle de Trudy Joplin, Skyfall, ainsi que Spectre dans le rôle d'Eve Moneypenny, vu également dans Mandela, un long chemin vers la liberté dans le rôle de Winnie Mandela, et vu également dans le film Beauté cachée. 1983, naissance de Pippa Middleton, sœur de Catherine Middleton, la duchesse de Cambridge. 1984, naissance de Lucas Ballot, handballeur français, qui de 2002 à 2008 a joué à Ivry, de 2008 à 2012 au BM Ciudad Real, et depuis 2012 il joue au Paris Saint-Germain en balle. Et en équipe de France depuis 2005, il compte à son palmarès 3 titres européens en 2006, 2010 et 2014, 3 titres mondiaux 2009, 2011 et 2017, ainsi que 2 médailles d'or olympiques obtenues en 2008 et 2012. 1986, naissance de Brahim Zaibat, danseur français, consultant artistique sur la comédie musicale Robin des Bois, ayant participé à Danse avec les stars, où il a terminé deuxième derrière la gagnante, la chanteuse Alizée. Et on a pu le voir également dans la comédie musicale Les Trois Mousquetaires, dans le rôle d'Athos. En 1683, décédé Jean-Baptiste Colbert, Albert, un des principaux ministres de Louis XIV, contrôleur général des finances de 1665 à 1683, secrétaire d'État de la Maison du Roi et secrétaire d'État de la Marine de 1669 à 1683. En 1978, décédé Max de Cugis, ancien joueur de tennis français, champion olympique en double mixte avec Suzanne Lenglen, c'était à Anvers en 1920. En simple, il a remporté 8 fois le tournoi de Roland-Garros. En double, il l'a remporté 14 fois, ainsi qu'une fois le tournoi de Wimbledon, et en double mixte, il a remporté 7 fois le tournoi de Roland-Garros. En 2007, décédé Luciano Pavarotti, artiste lyrique italien. Et en 2009, on apprenait le décès de 6 humoristes et comédiens français vus dans Cartouche, la brigade en folie, Astérix Obélix contre César, Astérix Obélix aux Jeux Olympiques dans le rôle d'Agécanonix, ou encore la série télé Louis la Brocante. Allez, on va retourner dans les années 90 grâce à la chanteuse Gala et on s'écoute tout de suite son tube Freed from Desire. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire. Desire, la chanteuse Gala sur le 107 FM. Un peu plus de 8h46, on fait un point météo. La météo. Pour l'instant, il y a du soleil avec quelques nuages, mais le temps va vite se dégrader pour laisser venir la pluie et même des orages pour cet après-midi. Des températures comprises entre 13 et 14 degrés ce matin, elles seront tout de même comprises entre 20 et 22 degrés cet après-midi. Pour vendredi, ce sera le retour des éclaircies avec tout de même quelques nuages. Des températures comprises entre 13 et 14 degrés le matin, 19 et 21 degrés l'après-midi. Un beau samedi ensoleillé, des températures comprises entre 10 et 11 degrés le matin, entre 20 et 22 degrés prévus pour samedi après-midi. Voilà pour la météo, on fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Un mot de cyclisme avec la Vuelta hier, la victoire de Demarquis. Le premier français, c'est Nance Peters qui s'est classé quatrième. Thibaut Pinot, lui, a terminé dixième. Et malheureusement, Nasser Bouani a mis pied à terre. Il est malheureusement malade. Il n'a donc pas pu terminer l'étape d'hier. Il va rentrer en France. Un mot de tennis maintenant avec l'US Open. Côté messieurs, la qualification de Kei Nishikori en 5-7 face à Marin Cilic. 2-6, 6-4, 7-6, 4-6, 6-4 et Novak Djokovic s'est qualifié sans trop de difficultés en 3-7 face à Milman, 6-3, 6-4, 6-4. Les demi-finales qui auront lieu demain opposeront Djokovic à Nishikori et Rafael Nadal à Juan Martín Del Potro. Côté féminin, Osaka s'est qualifié en 2-7 face à Tsurenko, 6-1, 6-1 et qui s'est qualifié en 2-7 face à Suarez Navarro, 6-4, 6-3. Les demi-finales aujourd'hui opposeront Serena Williams à Sevastova et Kiza Osaka en double féminin, Mladenovic en double avec Babos, hein, affronteront Stosur et Zhang. Et on va parler de Caroline Garcia qui est éliminée de l'US Open, mais on connaît son futur classement WTA. Ce sera à paraître lundi, hein, normalement c'est tous les lundis que le classement paraît. Et bien elle sera numéro 4 mondial. C'est le meilleur classement pour une Française depuis Amélie Mauresmo en 2007. Autant dire que ça date. Hein. On termine avec des infos football. On commence avec Kylian Mbappé dont on a appris qu'il serait suspendu 3 matchs avec le Paris Saint-Germain après son carton rouge contre Nîmes. On va parler d'Mbappé toujours puisqu'avec ses coéquipiers ce soir en Ligue des Nations, ils affrontent l'Allemagne. Ça se passe à Munich. Un point sur la composition des Bleus. Gardien de but, ce sera Areola. Ensuite, il y aura Pavard, Varane avec le brassard de capitaine, hein, l'absence de Hugo Lloris. Il y aura également Umtiti, Hernandez, Pogba, Kanté, Mbappé, Griezmann, Matuidi et Olivier Giroud. Hein. Vous aurez reconnu les noms, bien évidemment. C'est la composition phare hein, de Didier Deschamps. Voilà donc pour cette composition Allemagne-France ce soir. Et on va parler de Bordeaux qui connaît depuis hier le nom de son manager général. Il s'agit du Brésilien Ricardo. Voilà pour l'actualité sportive. On va maintenant marquer notre dernière pause musicale avec Luciano Pavarotti et le cultissime titre, le magnifique titre, mais tellement compliqué à interpréter. Seuls les plus grands le font à merveille. C'est Caruso. Dove il mare luce e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie in sé. Dinte bene sai. luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia d'un'elica. Senti il dolore della musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Te voglio bene, potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e fermi, ti fai scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te. Caruso, Luciano Pavarotti sur RGM, un peu plus de 8h55 et il est temps pour nous de faire un point complet sur ce qui vous attend aujourd'hui. Dans quelques minutes, à 9h, ce sera la rediffusion de La Parole est à vous avec Michel. 13h30, la rediffusion de la chronique de Michel. 16h, le retour de Gilou avec Les Années Bonheur. Et oui, il fait sa rentrée. Ça y est, 18h, l'heure des loups avec Lou, consacrée au centre des tronches. À 20h, Memento Mori. 23h, Rock à la Casbah. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Et excellente journée à tous.